assalamu alaykum sama gaañ yi nak ay dafa jigen la won nek fan bi ñeké fan légui nak médecin bi pour mu génné da lay toglo bu xolé ni togg bi logique nak mu génné la légui nak bu wér mois bobu nak plat de sortie bi sombi la légui médecin bi wo dafa di len ranglé par ben di len laaj ñuy toggé sombi ben daf bi ñew nek gis nga man sumay togg sombi sama ndox lay jël daf ci ciép rek daf ci sukar jox nañ ñu lek médecin bi nek yow mo ngi fi yag benen daf bi ñew nek gis nga médecin sumay togg sombi ñu ko mo damay jël sama ñeexu supu kanja may xaa ba togg supu kanja supu kanja bi def ma jël ñeexu supu kanja daf ci ndox rek daf ci sama ciép bi sukar médecin bi nek yow delu sa chambre benen daf bu jongé ndol ci kaw rafet xamna nak ancienne riche la won dof bi dafa la kass jongel bi moro joxe nekum docteur muneko man sumay togg sombi docteur bi neko wa muneko damay dem marché te sumay dem marché docteur bi neko wa muneko sama taille basse model tim tat lay sol ancien bi neko en khadi muneko waw suma demé jënd sama ciép pakistanais bu baax parfumé médecin bi neko en mune ko ma ñëw fekk boobu sama jank bi bale na sama waañ bi ba mu set médecin bi nekk waaw mu ne ko mu teg ci gaz bi kaddiir def ci ndox def ci xoxam mu ne ma sabat sama ceeb ba mu set suma sabatee sama ceeb ba mu set ma xaar ba ndox bi bax ma def ko ci su ma ko ne defee mu ne ko nag te docteur xamal leen mu ne ko jigéen bu baax ba daan togg day toog ci taat gazam di xool damay togg ndax bu nekkee ci këru wujje médecin bi ne ko ah ma ne ko mën na toog mën na génn waañ bi su génnee waañ bi wujju bi ñëw def si xorom bi ëpp kenn du ko mën a lekk ba mu jël suuf sotti sa ceeb di xajam kenn du ko mën a lekk mu ne ko sama taatu gaz lay toog ba mu ñor ma yek ko sama leket tok sama deggu keur franku lay yore sama leket diko racc suma ko racce ba mu xawa ki ma def ci sama beur ba beur bi lolou mu ne ma sucre ko def ci sama gloria def ci sama sucre vanille au fleur d'orange ak sama muscade ma sain bi ne ko ah yow mom gagné nga yow mom di nga genn après di nga dem france neysan mo médecin mo docteur bi ñu and ci avion bi dem ñuy dem may si bay wadi yegg france xam nga dof dafa jogé nak da xam nga dafa eppal ne ko gis nga nak docteur ku yek bu togg ba pare tang koy yek médecin bi nek en khadi mu ne waw dama koy yek ci ay potu sambour bu nek nak ma tak sama benn dogu yet décorer